Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gomet du Pré 1861. Deuxième partie, section 1. Prologue. Après avoir parlé de Dieu et des différents êtres que, par sa puissance et sa volonté, il a fait sortir du néant, il nous reste à traiter de l'homme considéré comme être intelligent, libre et maître de ses actions, car c'est sous ce rapport que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons vu le modèle, tome 1, voyons à présent l'image, confère saint Thomas. Deuxième partie, du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu. Première section, des actes humains en général, et d'abord de la fin dernière de l'homme ou de la béatitude. Explication. Pour traiter du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu, objet des deux sections de la seconde partie, nous parlons, en premier lieu, de la fin dernière de l'homme. Nous passons ensuite à la béatitude qui la constitue, et nous faisons voir qu'elle n'est ni dans les richesses, ni dans les honneurs, ni dans la gloire, ni dans la puissance, ni dans les biens corporels, ni dans la volupté, ni dans les biens de l'âme, ni enfin dans aucun bien créé. Arrivés à ce point, nous en approfondissons la nature, et nous en marquons les conditions. Enfin, nous faisons connaître les moyens d'y parvenir. Ces moyens étant les actes humains, nous les considérerons en général dans cette première section, où nous les examinerons successivement dans leur nature et dans leurs principes, comme on le verra par les tableaux suivants, à commencer par celui des actes humains eux-mêmes. Les actes humains, considérés en particulier, feront l'objet de la seconde section. Question 1. De la fin dernière de l'homme. Tous les hommes agissent en vue d'une fin. Il y a une fin dernière. 1. Convient-il que l'homme agisse pour une fin? Il y a chez l'homme deux sortes d'actes. Les actes humains sont ceux dont il est le maître et qu'il produit par son libre arbitre, faculté qui tient tout à la fois de la raison et de la volonté, on ne donne ce nom qu'aux actions qui sont faites avec connaissance, délibération et liberté. Les autres actes, qui ne procèdent pas de l'homme considéré comme être raisonnable, conservent le nom d'acte de l'homme. Il est incontestable que, dans les actions volontaires, appelées actes humains, il convient que l'homme agisse pour une fin. De telles actions, en effet, procèdent, après délibération, de la volonté, qui a pour objet la fin et le bien. Une faculté agissant toujours d'une manière conforme à son objet, il est même nécessaire que toutes les actions humaines, dans lesquelles l'homme agit en tant qu'homme, soient faites pour une fin. Note. Si la fin est la chose que l'on obtient en dernier lieu dans l'exécution, elle est du moins la première dans l'intention, aussi est-elle une cause qui fait agir. Fin de la note. 2. L'homme seul agit-il pour une fin? Non, sans doute, tout agent opère aussi pour une fin. Nous en avons la preuve par le monde, où la matière elle-même accomplit un dessein marqué. Mais, entre l'homme et les êtres privés de raison, voici la différence, ceux-ci, véritables instruments entre les mains d'un maître invisible qui assigne à chacun son rôle et son emploi, arrivent à leur fin en vertu d'une inclination naturelle, au lieu que l'homme, doué de raison et de volonté, se porte de lui-même à la sienne par son libre arbitre. 3. Les actes humains tirent-ils une espèce propre de la fin? La fin est d'une telle importance dans nos actes, que c'est elle qui, par la nature propre et particulière qu'elle leur confère, en fait précisément des actes humains, c'est-à-dire volontaires ou moraux. Principe et terme de toutes nos actions libres, Elle leur donne ainsi une espèce déterminée, comme, au sein de la nature, le générateur confère la forme à l'être engendré. Note. On nous dira peut-être que la fin, qui est une chose extrinsèque aux actes humains, ne saurait les spécifier. La fin n'est pas absolument extrinsèque à nos actes. Comme principe et comme terme, elle entre, au contraire, dans leur nature même, aussi des actes physiquement identiques peuvent avoir, en morale, un caractère opposé, suivant la fin qu'on se propose. Fin de la note. 4. La vie humaine a-t-elle une fin dernière? Dire que la vie humaine n'a pas de fin dernière et qu'elle va de fin en fin par un mouvement perpétuel et indéfini, c'est dire une absurdité. En quelque genre que ce soit, il est impossible qu'il y ait une série infinie de fins qui se coordonnent et s'enchaînent sans une fin dernière, comme il est impossible qu'il y ait une série infinie de moteurs sans premier moteur. C'est pourquoi, de même que, sans premier moteur, il n'y aurait pas de mouvement, de même, sans un dernier terme pour l'intention et pour l'exécution, il n'y aurait ni action, ni désir. Il faut admettre pour la vie humaine une fin dernière et un dernier terme, sans quoi, incapable de tout mouvement comme de tout désir, nous resterions indéfiniment sans rien commencer, ni rien finir. Note. Dieu a voulu que le souverain bien fût la fin dernière des êtres. Avant qu'ils y arrivent, il dispose de ses dons envers eux, non pas d'une manière infinie, mais avec nombre, poids et mesure. Sagesse 11. Fin de la note. 5. Y a-t-il pour le même homme plusieurs fins dernières? Nul ne peut servir de maître, a dit le Sauveur, pour signifier qu'on ne saurait avoir deux fins dernières. La fin dernière, pour tous les êtres, c'est le bien parfait qui doit compléter leur nature en comblant tellement leurs désirs, qu'il n'est rien à souhaiter au-delà, précisément parce qu'en dehors d'un tel bien il n'y a rien qui soit nécessaire à la perfection vers laquelle ils tendent. Cela étant, il est évident que l'homme ne peut pas se porter vers deux objets, comme s'ils étaient, au même titre, la plénitude de son être. Note. Le bien est la fin de tous les êtres. Aussi les philosophes le définissent-ils, ce que tous les êtres cherchent. Le bien d'un être n'est autre que sa perfection, qui est aussi sa fin. L'être, en effet, qui n'a pas atteint sa perfection, se porte vers elle autant qu'il est en lui, et, s'il la possède, il s'y repose. Or, il n'y a pour tous les êtres qu'un seul bien et une seule fin, qui est Dieu. Confère saint Thomas, somme contre les gentils. Que quelques philosophes aient fait consister la fin dernière en plusieurs choses, ce n'est pas une preuve qu'il y ait plusieurs fins dernières. D'ailleurs, pour eux, la réunion des divers biens qu'ils désignaient constituait un bien unique et parfait, qui était la fin dernière. Fin de la note. 6. Tout ce que l'homme veut, le veut-il pour une fin dernière? À bien y réfléchir, la fin dernière est au fond de toutes les actions et de tous les désirs des hommes. Tous les biens qu'ils souhaitent, ils les veulent toujours pour une dernière fin. S'ils n'y voient pas le bien suprême, ils y entrevoient un moyen d'y parvenir. Or, de même que toute chose commencée tend à son achèvement, de même aussi tout commencement de bien tend au bien parfait, c'est-à-dire à la fin dernière, qui, pour nous servir d'une comparaison, et à la volonté ce que le premier moteur est aux causes secondes, car si les causes secondes ne meuvent que tant qu'elles sont mues par le premier moteur, les fins secondaires aussi ne meuvent l'appétit que tant qu'elles se rapportent au premier objet désirable, qui est la fin dernière. Note. La cause de la bonté inhérente à tout bien étant le souverain bien, c'est-à-dire Dieu, Dieu est aussi la cause pour laquelle toute fin est une fin, puisque rien n'est une fin qu'en sa qualité de bien. Donc Dieu est éminemment la fin dernière de tous les êtres. Confère somme contre les gentils. Les plaisirs, les délassements, les ris et les jeux, qui ont pour but de récréer l'esprit, l'étude elle-même des sciences, qu'est-ce autre chose que des biens particuliers compris sous la fin dernière? L'homme, il est vrai, ne pense pas à cette fin dans tout ce qu'il fait, mais cela n'est point nécessaire. La vertu de la première intention demeure dans chaque mouvement de l'appétit, bien que la fin dernière ne soit pas toujours actuellement présente à l'esprit. Le voyageur ne songe point, à chaque pas, au terme de sa course. Fin de la note. 7. La fin dernière est-elle la même pour tous? Il est un point où tous les hommes sont d'accord, nous dit très bien saint Augustin, c'est sur le désir de la fin dernière, qui consiste dans le bonheur parfait. On peut dire, en effet, que tous les hommes veulent la même fin dernière, parce que tous désirent la perfection de leur être, qui est comprise dans la béatitude, comme on l'a vu précédemment. Mais le raccord cesse dès qu'ils viennent à considérer la nature de cette fin, les uns voient le souverain bien dans les richesses, les autres dans la volupté, d'autres ailleurs. C'est ainsi que la douceur convient à tout le monde, mais les uns préfèrent la douceur du vin, quelques-uns la douceur du miel, d'autres la douceur d'une autre substance. Il est clair, toutefois, que l'on doit regarder comme le plus parfait de tous les biens celui que les hommes dont les affections sont le mieux disposées choisissent pour fin suprême, de même que l'on préfère, comme supérieur, la douceur qui plaît davantage à l'homme qui a le meilleur goût. Note. Les pêcheurs s'écartent de la fin dernière en la cherchant où elle n'est pas, ils y tentent par leur nature, ils s'en éloignent en pêchant. Le péché, comme on le verra, est opposé à notre nature raisonnable. Fin de la note. 8. Toutes les autres créatures ont-elles notre fin dernière? La fin dernière de l'homme, c'est la béatitude. Les êtres dépourvus de raison ne sont pas destinés à ce bonheur, ils n'ont donc pas notre fin dernière. Mais, pour l'intelligence de cette vérité, nous devons dire que cette expression se prend en deux sens, car le mot « fin » signifie à la fois l'objet même que l'on veut obtenir et la jouissance de cet objet. Si l'on parle de la fin dernière considérée en elle-même, tous les êtres ont la même fin, parce que Dieu, en ce sens-là, est la fin dernière de l'homme et de tout ce qui existe. Mais si l'on parle de la fin dernière relativement à la manière d'y arriver et d'en jouir, il n'y a rien de commun entre nous et les créatures privées de raison. Nous parvenons à la nôtre par la connaissance et l'amour, elles arrivent alors par une certaine ressemblance avec Dieu, qu'elles tiennent seulement de leur nature, de leur vie, ou même de leur connaissance. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.